Chapitre 81. La conspiration se renoue. Tandis que le roi, pour bien rassurer M. de Choiseul et ne pas perdre son temps à lui-même, se promenait ainsi dans Trianon en attendant la chasse, Lucienne était le centre d'une réunion de conspirateurs effarés qui arrivaient à tire d'aile auprès de Madame du Barry comme des oiseaux qui ont senti la poudre du chasseur. Jean et le maréchal de Richelieu, après s'être longtemps regardés avec humeur, avaient pris leur ressort les premiers. Les autres étaient les favoris ordinaires qu'une disgrâce certaine des Choiseul avait appréhendés, que le retour en faveur avait épouvanté, et qui, ne trouvant plus le ministre sous leurs mains pour s'accrocher à lui, revenaient machinalement à Lucienne pour voir si l'arme était assez solide pour que l'on s'y cramponnât comme par le passé. Madame du Barry, après les fatigues de sa diplomatie et le triomphe trompeur qu'il avait couronné, faisait la sieste lorsque le carreau de Richelieu entra chez elle avec le bruit et la célérité d'un ouragan. « Maîtresse du Barry dort, » dit Zamor sans se déranger. Jean fit rouler Zamor sur le tapis d'un grand coup de pied qu'il appliqua sur les broderies les plus larges de son habit de gouverneur. Zamor poussa des cris perçants. Chon accourut. « Vous battez encore ce petit, vilain brutal, » dit-elle. « Et je vous extermine vous-même, » poursuivit Jean avec des yeux qui flamboyaient, « si vous ne réveillez pas la comtesse tout de suite. » Mais il n'était pas besoin de réveiller la comtesse. Au cri de Zamor, au grondement de la voix de Jean, elle avait senti un malheur et accourait enveloppée dans un peignoir. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, effrayée de voir que Jean s'était vautré tout du long sur un sofa pour calmer les agitations de sa bile et que le maréchal ne lui avait pas même baisé la main. « Il y a, dit Jean, parbleu, il y a toujours le Choiseul. »« Comment ?»« Oui, plus que jamais, mille tonnerres. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Monsieur le comte du Barry a raison, » continua Richelieu. « Il n'y a plus que jamais monsieur le duc de Choiseul. » La comtesse tira de son sein la petite lettre du roi. « Et ceci ? » dit-elle en souriant. « Avez-vous bien lu, comtesse ? » demanda le maréchal. « Mais je sais lire, duc, » répondit Madame du Barry. « Je n'en doute pas, madame. Voulez-vous me permettre de lire aussi ? » ?»« Oh, certainement, lisez. » Le duc prit le papier, le développa lentement et lut. « Demain, je remercierai monsieur de Choiseul de ses services. Je m'y engage positivement. » « Louis. » « Est-ce clair ? » dit la comtesse. « Parfaitement clair, » répliqua le maréchal en faisant la grimace. « Eh bien quoi ? » dit Jean. « Eh bien, c'est demain que nous aurons la victoire, rien n'est encore perdu. »« Comment demain ? Mais le roi m'a signé cela hier. Or demain, c'est aujourd'hui. Pardon, madame, » dit le duc, « comme il n'y a pas de date. Demain sera toujours le jour qui suivra celui où vous voudrez voir monsieur de Choiseul là-bas. Il y a, rue de la Grange-Batelière, à 100 pas de chez moi, un cabaret dont l'enseigne lui porte ses mots en lettres rouges. Ici, on fait crédit demain. » « Demain, c'est jamais. »« Le roi s'est moqué de nous, » dit Jean furieux. « C'est impossible, » murmura la comtesse atterrée. « Impossible. Une pareille supercherie est indigne. »« Ah, madame, sa majesté est fort joviale, » dit Richelieu. « Il me le paiera, duc, » continua la comtesse avec un accent de colère. « Après cela, comtesse, il ne faut pas en vouloir au roi. Il ne faut pas accuser sa majesté de dol ou de fourberie. Non, le roi a tenu ce qu'il avait promis. » « Allons donc, » fit Jean avec un tour d'épaule, plus que peuple. « Qu'a-t-il promis ? » cria la comtesse, « de remercier le Choiseul ?»« Et voilà, précisément, madame, j'ai entendu moi, sa majesté, remercier positivement le duc de ses services. Le mot a deux sens, écoutez donc. En diplomatie, chacun prend celui qu'il préfère. Vous avez choisi le vôtre, le roi a choisi le sien. De cette façon, le demain n'est même plus en litige. C'est bien aujourd'hui, à votre avis, que le roi devait tenir sa promesse. Il l'a tenue. » « Moi qui vous parle, j'ai entendu le remerciement. « Duc, ce n'est pas l'heure de plaisanter, je crois. « Croyez-vous par hasard que je plaisante, comtesse ?»« Demandez au comte Jean. »« Non, pardieu, nous ne rions pas. « Ce matin, le Choiseul a été embrassé, cajolé, festoyé par le roi. « Et à l'heure qu'il est, tous deux se promènent dans les Trianon, bras dessus, bras dessous. »« Bras dessus, bras dessous. » répéta Chon qui s'était glissé dans le cabinet et qui leva ses bras blancs comme un nouveau modèle de l'agnobé désespéré. « Oui, j'ai été joué, » dit la comtesse, « mais nous allons bien voir. Chon, il faut d'abord contremander mon équipage de chasse. Je n'irai pas. »« Bon, » dit Jean. « Un moment, » s'écria Richelieu. « Pas de précipitation, pas de bouderie. Ah, pardon, comtesse, je me permets de vous conseiller. Pardon. »« Faites, duc, ne vous gênez pas. Je crois que je perds la tête. Voyez ce qu'il en est. On ne veut pas faire de politique et le jour où on s'en mêle, l'amour-propre vous y jette tout habillé. » « Vous dites donc que bouder aujourd'hui n'est pas sage. Tenez, comtesse, la position est difficile. Si le roi tient décidément au choiseul, s'il se laisse influencer par sa dauphine, s'il vous rompt en visière, c'est que... Eh bien, c'est qu'il faut devenir encore plus aimable que vous n'êtes, comtesse. Je sais bien que c'est impossible, mais enfin, l'impossible devient la nécessité de notre situation. Faites donc l'impossible. La comtesse réfléchit. Car enfin, continua le duc, si le roi allait adopter les mœurs allemandes, s'il allait devenir vertueux, s'exclama Jean saisi d'horreur. Qui sait, comtesse, dit Richelieu, la nouveauté est chose si attrayante. Oh, quant à cela, répliqua la comtesse avec un certain signe d'incrédulité, je ne crois pas. On a vu des choses plus extraordinaires, madame. Et le proverbe du diable se faisant ermite. Donc il faudrait ne pas bouder. Il ne le faudrait pas. Mais j'étouffe de colère. Je le crois, parbleu bien, étouffée comtesse. Mais que le roi, c'est-à-dire monsieur de Choiseul, ne s'en aperçoive pas. Étouffez pour nous, respirez pour eux. Et j'irai à la chasse. Ce serait fort habile. Et vous, duc, oh moi, dussé-je suivre la chasse à quatre pattes, je la suivrai. Dans ma voiture, alors, s'écria la comtesse, pour voir la figure que ferait son allié. « Comtesse, répliqua le duc avec une minauderie qui cachait son dépit, c'est un si grand bonheur. Que vous refusez, n'est-ce pas ? Moi, Dieu m'en préserve. Faites-y attention, vous vous compromettrez. Je ne veux pas me compromettre. Il l'avoue. Il a le front de l'avouer, s'écria madame du Barry. Comtesse, comtesse, monsieur le Choiseul ne me pardonnera jamais. Êtes-vous donc déjà si bien avec monsieur le Choiseul ? Comtesse, comtesse, je me brouillerai avec madame la dauphine. Aimez-vous mieux que nous fassions chacun la guerre de notre côté, mais sans partage du résultat ? Il en est encore temps. Vous n'êtes pas compromis. Et vous pouvez vous retirer encore de l'association. Vous me méconnaissez, comtesse, dit le duc en lui baisant la main. M'avez-vous vu hésiter le jour de votre présentation, quand il s'est agi de vous trouver une robe, un coiffeur, une voiture ? Eh bien, je n'hésiterai pas davantage aujourd'hui. Oh, je suis plus brave que vous ne croyez, comtesse. Alors c'est convenu. Nous irons tous les deux à la chasse, et ce me sera un prétexte pour ne voir personne, n'écouter personne et ne parler à personne. Pas même au roi. Au contraire, je veux lui dire des mignardises qui le désespéreront. Bravo, c'est de bonne guerre. Mais vous, Jean, que faites-vous ? Voyons, sortez un peu de vos coussins. Vous vous enterrez tout vif, mon ami. Ce que je fais, vous voulez le savoir ? Mais oui, cela nous servira peut-être à quelque chose. Eh bien, je pense... À quoi ? Je pense qu'à cette heure-ci, tous les chansonniers de la ville et du département nous travaillent sur tous les airs possibles, que les nouvelles à la main nous déchiquettent comme chair à pâté, que le gazetier cuirassé nous vise au défaut de la cuirasse, que le journal des observateurs nous observe jusque dans la moelle des os, qu'enfin nous allons être demain dans un état à faire pitié, même à un Choiseul. Et vous concluez ? Demanda le duc. Je conclus que je vais courir à Paris pour acheter un peu de charpie et pas mal d'onguents, pour mettre sur toutes nos blessures. « Donnez-moi de l'argent, petite sœur. »« Combien ?» demanda la comtesse. « La moindre chose, 200 ou 300 louis. »« Vous voyez, duc ?» dit la comtesse en se tournant vers Richelieu. « Voilà déjà que je paye les frais de la guerre. »« C'est l'entrée en campagne, comtesse. Semez aujourd'hui, vous recueillerez demain. » La comtesse haussa les épaules avec un indescriptible mouvement, se leva, alla son chiffonnier, l'ouvrit, en tira une poignée de billets de caisse qu'elle remit sans compter à Jean, lequel, sans compter aussi, les empocha en poussant un gros soupir. Puis se levant, s'étirant, tordant les bras comme un homme accablé de fatigue, Jean fit 3 pas dans la chambre. « Voilà, » dit-il en montrant le duc et la comtesse, « ces gens-là vont s'amuser à la chasse, tandis que moi je galope à Paris. Ils verront de jolis cavaliers et de jolies femmes. Moi je vais contempler les hideuses faces des gras de papier. Décidément, je suis le chien de la maison. Notez, duc, » fit la comtesse, « qu'il ne va pas s'occuper de nous le moins du monde. » Il va donner la moitié de mes billets à quelques drôlesses et jouer le reste dans quelques tripots. Voilà ce qu'il va faire. Et il pousse des hurlements, le misérable. Tenez, allez-vous-en, Jean, vous me faites horreur. Jean dévalisa 3 bonbonnières qu'il vida dans ses poches, vola sur l'étagère une chinoise qui avait des yeux de diamant, et partit en faisant le gros dos, poursuivi par les cris nerveux de la comtesse. Quel charmant garçon, dit Richelieu, du ton qu'un parasite prend pour louer un de ces terribles enfants sur lesquels il appelle tout bas la chute du tonnerre. Il vous est bien cher, n'est-ce pas, comtesse ? Comme vous dites, duc, il a placé sa bonté sur moi, et elle lui rapporte 300 ou 400 000 livres par an. La pendule tinta. 1,5 millions, comtesse, dit le duc, Heureusement que vous êtes presque habillé. Montrez-vous un peu à vos courtisans. Je croirais qu'il y a éclipse et montons vite en carrosse. Vous savez comment se gouverne la chasse? C'était convenu hier entre Sa Majesté et moi. On allait dans la forêt de Marly et l'on me prenait en passant. Oh, je suis bien sûr que le roi n'aura rien changé au programme. Maintenant, votre plan à vous, duc, car c'est à votre tour de le donner. Madame, dès hier, j'écris à mon neveu qui, du reste, si j'en crois mes pressentiments, doit déjà être en route. Monsieur d'Aiguillon? Je serais bien étonné qu'il ne se croisât pas demain avec ma lettre, et qu'il ne fût pas ici demain ou après-demain ou plus tard. Et vous comptez sur lui? Eh, madame, il a des idées. N'importe, nous sommes bien malades. Le roi même céderait, mais il a une peur horrible des affaires. De sorte que je tremble qu'il ne consente jamais à sacrifier monsieur de Choiseul. Voulez-vous que je vous parle franc, comtesse? Certainement. Eh bien, je ne le crois pas non plus. Le roi aura 100 tours pareils à celui d'hier. Sa Majesté a tant d'esprit. Vous, de votre côté, comtesse, vous n'irez pas risquer de perdre son amour par un entêtement inconcevable. Dame, c'est à réfléchir. Vous voyez bien, comtesse, que monsieur de Choiseul est là pour une éternité. Pour l'en déloger, il ne faudrait rien moins qu'un miracle. Oui, un miracle, répéta Jeanne. Et malheureusement, les hommes n'en font plus, répondit le duc. Oh, répliqua madame du Barry, j'en connais un qui en fait encore, moi. Vous connaissez un homme qui fait des miracles, comtesse? Ma foi, oui. Et vous ne m'avez pas dit cela? J'y pense à 7 heures seulement, duc. Croyez-vous ce gaillard-là capable de nous tirer d'affaire? Je le crois capable de tout. Oh! Et quel miracle a-t-il opéré? Dites-moi un peu cela, comtesse, que je juge par l'échantillon. Duc, dit madame du Barry, en se rapprochant de Richelieu, et en baissant la voix malgré elle, c'est un homme qui, il y a 10 ans, m'a rencontré sur la place Louis XV et m'a dit que je serais reine de France. En effet, c'est miraculeux, et cet homme-là serait capable de me prédire que je mourrais premier ministre. N'est-ce pas? Oh, je n'en doute pas un seul instant. Comment l'appelez-vous? Son nom ne vous apprendra rien. Où est-il? Ah, voilà ce que j'ignore. Il ne vous a pas donné son adresse? Non. Il devait venir lui-même chercher sa récompense. Que lui aviez-vous promis? Tout ce qu'il me demanderait. Et il n'est pas venu? Non. Comtesse, voilà qui est plus miraculeux que sa prédiction. Décidément, il nous faut cet homme. Mais comment faire? Son nom, comtesse, son nom. Il en a 2. Procédons par ordre. Le premier, le comte de Phénix. Comment? Cet homme que vous m'avez montré le jour de votre présentation, justement, ce Prussien. Oh, je n'ai plus confiance. Tous les sorciers que j'ai connus avaient des noms qui finissaient en I ou en O. Ça tombe à merveille, duc. Son second nom finit à votre guise. Comment s'appelle-t-il? Joseph Balsamo. Enfin, n'auriez-vous aucun moyen de le retrouver? J'y vais rêver, duc. Je crois que je sais quelqu'un qui le connaît. Bon, mais hâtez-vous, comtesse. Voilà les 3/4 en 1 heure. Je suis prête. Mon carrosse. 10 minutes après, madame du Barry et monsieur le duc de Richelieu couraient côte à côte à la rencontre de la chasse.